Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant des rapides de Dolbeau-Sissigny qui tirent maintenant de l'arrière 2-0 dans la série contre les Saguenay-Lac-Coutimi. Hier à l'aréna du complexe sportif de Dolbeau, victoire des Saguenay 5-4. Et à noter que samedi à l'aréna du plateau de Ville-Saguenay, victoire des Saguenay 2-1 contre les Rapides. Donc, la série est menée 2-0 par les Saguenay. Et le prochain match aura lieu demain soir à Ville-Saguenay. Ligue de hockey géant régional, c'est la grande finale qui se déroule actuellement. Et les Marquis de Jonquière mènent 2-1 dans la série contre les Saguenay-Lac-Coutimi. Hier, les Marquis l'ont emporté 4-0 contre les Saguenay pour prendre les devants 2-1. Et rappelons que samedi, les Saguenay avaient créé l'égalité 4-3 contre les Marquis de Jonquière. Ligue de hockey junior majeur du Québec, maintenant les Cataractes de Shawinigan sont en vacances. La troupe de Samuel Girard s'est inclinée 5-1 contre les Forains hier. Les Cataractes avaient également perdu 3-2 contre les Forains vendredi soir. Deux passes pour Samuel Girard. Dans la série maintenant qui oppose les Huskies de Rouyn-Noranda aux Moussettes d'Halifax, les Huskies ont gagné 6-5 dans le cadre du cinquième match. Et pour éliminer ce soir les Moussettes dans le cadre de la sixième rencontre. Et advenant une victoire des Huskies, la troupe de Gilles Bouchard affronterait les Saguenay-Lac-Coutimi en grande finale. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com, on va s'en occuper.